mes amis, bonjour. J'ai passé une nuit avec les sauvageons du Forum Social Européen. On m'avait demandé de faire un petit discours sur l'humanisme. Alors, au début, je ne vous cache pas que j'avais une légère appréhension. Rien qu'à l'idée de me retrouver avec des communistes en bleu de travail et des écolos en salopette, ah, j'avais le frisson. C'est pour ça que j'ai demandé à Zouzou de venir avec moi. Au départ, il voulait pas. Et quand je dis qu'il allait avoir plein de petits mecs puceaux et qu'il voulait du changement, il a fait « Waouh, c'est bon ça, c'est tout du bon pour Zouzou. Zouzou, elle va jouer comme un grand corbeau sur Petit Rossignol. » Et ça, Zouzou, ça veut dire oui. On est donc arrivé chez les bolcheviques. Histoire de se décontracter avec Zouzou, on est allé à la buvette. J'ai commandé un schnapps et Zouzou une coupe de champagne. Le gars derrière le bar et ses marins nous a servi deux verres de rouge. Je lui ai dit gentiment que le rouge, ça me faisait mal aux yeux. Quant à Zouzou, il a été très clair. « Non, pas possible, le rouge faire péter Zouzou comme montgolfière. » Le gars, il a rigolé, il s'est barré. Je l'ai rattrapé par le col, je lui ai crevé un œil, je lui ai cassé deux doigts, je lui ai luxé une épaule et arraché un testicule. Par principe. Et puis, fini la rigolade. J'ai dû chercher le podium pour faire mon speech. J'ai demandé à une altère hôtesse, très moche, mon chemin. Elle m'a dit, tu as un pass? J'ai dit que non, et cette conne a commencé à appeler la sécurité avec son talky-volky. Comme j'étais à deux doigts de lui arracher la tête, Zouzou est intervenu. « Ma, tu es folle, la pouf! Si un gars de sécurité arrive, mon ami le nazi, il va lui choper le bête, il va lui mettre dans l'œil. Et si ça suffit pas, Zouzou va le prendre par le cou et mettre un extincteur dedans. » D'un seul coup, ça l'a calmé, l'a guillé, elle nous a laissé rentrer et j'ai pu commencer mon discours. « Come on! Vous qui croyez dans le partage et l'égalité pour tous, avant de vous dire que vous êtes tous des crétins idéalistes doublés de branleurs qui préfèrent se la couler douce au lieu d'aller chercher du travail, permettez-moi de vous dire bonjour et bienvenue au Forum Social Européen. Vous voulez une économie pour le bien de chacun et pas au détriment de tous? Eh bien, j'ai la solution. Le partage de toutes les richesses, est-ce vraiment l'unique solution? Non, en vérité, je vous le demande, car il est en ce bas monde une richesse universelle qui met le soleil au cœur de chacun et qui fait des générations d'hommes heureux. Les schnapps, mes amis! Les schnapps! Et comme la foule commençait à gronder, j'ai fait intervenir Zouzou. Zouzou, dis-leur ce que le schnapps a apporté dans ta vie. Et Zouzou est parti. Non, mes amis, avant le Zouzou, il était fatigué. Il n'avait pas un loup moral. Il avait tout le temps envie d'aller jouter sa face contre un bus comme un moustique dépressif. Et puis un jour, Zouzou a découvert le schnapps. Il a bien peur, il a bu beaucoup, et le soleil, il est rentré dans son corazon. Et le Zouzou s'est appelé une grosse merde qu'il faut le taper comme une clodo dans les bois. Le Zouzou, il est devenu un camarade désinistré du sentiment. Le Zouzou, le schnapps, il l'a aidé dans son mission à porter du bonheur. Faites comme le Zouzou, prenez le schnapps, vive l'amour! Ah voilà, Zouzou fini. Ah le salaud, il a fait un triomphe! Tout le monde s'est levé pour applaudir. Deux heures plus tard, j'avais fondé le mouvement unitaire et patriote pour le travail dans la joie par le schnapps. Zouzou était le président, bien sûr. Du coup, j'ai trouvé 30 000 ouvriers qui vont travailler gratos pour mon cousin Otto le Poivreau, le plus gros producteur de schnapps de Bavière. Bon, je vous laisse, je dois retourner au Forum Social de Saint-Denis. Je dois réserver des places pour toute ma famille de psychopathes pour aller voir le concert d'un mort à 21h. Oui. Ouh. Tu m'as impressionné, là. Ah oui, vas-y.